Avant de le passer donc à Camille Faureau de l'EHESS. Bonjour. En mai 1941, un rapport du service des affaires nord-africaines de la préfecture des Bouches-du-Rhône rapporte une conversation avec un travailleur kabyle rentrant d'Allemagne. Je cite. Le nommé Benaïssa A, né en 1916 au Douar Tadjadjen et qui était demeuré à Paris après l'armistice, s'y est embauché il y a environ 7 mois pour aller travailler en Allemagne. Après 3 mois passés à Hambourg, il a été dirigé sur Siemensstadt dans la banlieue de Berlin, où il est utilisé comme ajusteur. Il avait l'intention de faire venir sa femme auprès de lui et a, dans ce but, sollicité de ses employeurs une permission pour Avignon où son épouse devait l'attendre. C'est ainsi qu'il obtint un titre de permission valable du 18 au 25 mai. Arrivé à Avignon, l'intéressé apprit que son père était décédé et que sa femme était demeurée au pays. Il s'est alors décidé à regagner son Douar pour y voir sa famille et peut-être pour y demeurer définitivement. Benaïssa ne semble pas être suspect d'actions de propagande. Et tout en reconnaissant que les Allemands sont corrects avec les musulmans, il n'est pas du reste sans les critiquer sur de nombreux points. Ce rapport, fin de la citation donc, ce rapport qui met en scène un kabyle partant travailler en Allemagne suscite de nombreuses questions. Tout d'abord, il jette la lumière sur un phénomène peu connu de l'histoire du travail pour l'Allemagne pendant l'occupation de la France, l'engagement donc de coloniser d'Algérie. De surcroît, l'implication d'une femme, personnage quasiment absent de l'histoire des migrations entre l'Algérie et la métropole, surprend. Enfin, la suspicion des autorités françaises, qui semblent craindre la propagande du travailleur kabyle, alors qu'elles sont elles-mêmes impliquées dans la collaboration, pose la question des relations entre politique de collaboration et politique coloniale. Cette communication sera donc l'occasion d'éclairer ces questions en décrivant la politique de recrutement de la main-d'œuvre musulmane pour l'occupant allemand, à la fois en métropole et en Algérie, donc dans une perspective comparative. La politique de recrutement de la main-d'œuvre pour l'Allemagne a été élaborée au départ en référence aux citoyens français de métropole. Mais l'application de celle-ci aux musulmans de métropole et d'Algérie a amené les autorités à modifier une politique qui semblait, par certains aspects, menaçante pour l'ordre colonial. Cela a eu pour conséquence de déplacer les frontières de genre de la politique de recrutement pour l'Allemagne. Il s'agit donc de comprendre comment les enjeux coloniaux reconfigurent le genre d'une politique de collaboration. Cela permettra d'éclairer les relations complexes entre race, nation et genre dans une perspective intersectionnelle. Donc, dans un premier temps, je vais décrire la façon dont les autorités furent amenées à spécifier des conditions particulières pour le recrutement des musulmans en métropole. Et dans un deuxième temps, je décrirai l'évolution de cette politique en Algérie. Mon propos sera centré sur la période de 40 à 44, mais j'accorderai une attention particulière à l'année 1942, qui constitue un tournant dans l'élaboration de la politique de recrutement. Tout d'abord, donc, la métropole 1940-1944. Au début de l'occupation, de nombreux travailleurs musulmans, une grande majorité d'hommes et quelques femmes, sont présents en métropole. Aux travailleurs venus avant-guerre se sont ajoutés les hommes requis en 1940 pour l'industrie de la défense. Donc il y a une réquisition d'Algériens pour l'industrie de la défense dès 1940. À partir de 1940, dès le début de l'occupation, l'administration allemande est à la recherche de main-d'œuvre pour remplacer ces hommes mobilisés et soutenir la production de guerre. Elle recrute en France des travailleurs et des travailleuses pour l'Allemagne. On recrute des hommes et des femmes, pour la plupart jeunes, issus des classes populaires urbaines, Et il n'y a pas de condition de nationalité, mais un critère racial, puisque le recrutement est interdit aux Juifs. Une fois le contrat signé, la personne engagée part rapidement pour l'Allemagne, pour quelques mois au moins, et la plupart des personnes embauchées sont employées dans l'industrie de guerre. Les salaires proposés par les Allemands sont beaucoup plus élevés que les salaires proposés en France aux citoyens français. Pour les musulmans, qui ne peuvent la plupart du temps même pas toucher un salaire équivalent à celui des citoyens français, ces salaires sont d'autant plus attractifs. Des travailleurs musulmans partent donc pour l'Allemagne, principalement de zones occupées, donc du nord de la France, et un rapport datant de septembre 1941 les évalue à quelques milliers, un chiffre qu'on retrouve dans plusieurs sources. Ces départs pour l'Allemagne inquiètent les autorités françaises pour plusieurs raisons. D'une part, elles considèrent que la politique salariale allemande, qui ne distingue pas les travailleurs musulmans des citoyens français, sape la politique pratiquée en métropole, basée sur l'inégalité de revenus entre indigènes et citoyens. Par ailleurs, cette mobilité vers l'Allemagne remet en cause le contrôle de la main-d'œuvre, contrôle qui structure le rapport à l'emploi d'une partie des travailleurs musulmans en métropole, donc d'une part des travailleurs employés dans des contrats collectifs et d'autre part des travailleurs requis encadrés par l'armée. Je pourrais détailler ça si vous avez envie de me poser les questions. Au-delà, les autorités s'inquiètent de l'influence politique que les Allemands pourraient avoir sur les indigènes. Alors, en ce qui concerne ces préoccupations, j'ai pas le temps de développer ça, mais on pourrait faire des parallèles intéressants avec les préoccupations qui s'expriment à la même époque autour du départ des femmes mineures citoyennes de métropole, où on a des inquiétudes qui sont par certains aspects comparables. Mais je ne vais pas détailler ça maintenant. Donc, en ce qui concerne les personnes musulmanes de métropole, originaires d'Algérie, les autorités françaises tentent de limiter leur embauche par un système de certificats attestant du fait qu'ils ne sont pas requis ou qu'ils n'ont pas été engagés dans le cadre d'un contrat collectif. Comme ces formes d'emploi contraint ne concernent que les hommes, cela limite le départ des hommes musulmans de métropole, mais n'entrave pas le départ éventuel de femmes musulmanes. Cependant, les observations de la préfecture de Marseille révèlent que les autorités allemandes ne respectent pas ces engagements à la lettre, en fait, ils ne respectent pas ce système de contrat, et bientôt, ils sont totalement levés. À partir de l'été 1942, tous les musulmans de métropole peuvent être recrutés pour l'Allemagne comme les citoyens français. Les recrutements durent jusqu'à la libération et les derniers départs ont lieu durant l'été 1944. L'observation des dossiers individuels de travailleurs conservés à Caen, dans les archives du ministère de la Défense, recèle des indices permettant de comprendre comment les enjeux que je viens de décrire se nouent à une échelle individuelle. Alors, pour identifier des dossiers d'Algériens, j'avais une difficulté, c'est que j'avais pas de liste. Donc, j'avais 3 millions de dossiers de personnes, et parmi eux, je savais qu'il y avait les dossiers des travailleurs. Donc, j'ai travaillé par patronyme, en fait. J'ai regardé au nom Mohamed, Ben Ali, etc., pour essayer de cibler des travailleurs musulmans. J'ai parcouru environ 1000 dossiers de travailleurs musulmans et je n'ai pas trouvé dans ces archives de femmes colonisées parties de métropole. Quand j'ai trouvé des femmes portant des noms musulmans dans ces archives, il s'agissait en fait de femmes de pères nord-africains nés en métropole. Donc ce sont des femmes jeunes qui sont nées aux alentours des années 20. Et on peut penser que leurs pères sont venus justement pendant la Première Guerre mondiale. On a aussi des citoyennes françaises mariées à des colonisés qui partent soit seules, soit avec leur mari. Donc, quant à la question de l'éventuelle participation de femmes colonisées, le fait que j'en ai pas trouvé n'exclut pas que certaines soient parties, puisque j'ai parcouru 1000 dossiers, il y a plusieurs milliers, voilà. Ce sont avant tout des indices, en fait. On trouve aussi des dossiers, bien sûr, d'hommes musulmans qui révèlent un contrôle politique étroit de la police française, notamment quand ils ont une activité qui va à l'encontre de la colonisation. Et ces dossiers permettent aussi de saisir la présence de femmes musulmanes en métropole, puisqu'on demande à chaque travailleur qui part quelle est la famille qu'il laisse en France. Et là, on voit, par exemple, des hommes qui déclarent laisser une épouse ou une mère à Pantin, en région parisienne, etc. Voilà. Et on voit que ce sont des femmes musulmanes. Donc voilà pour la politique en métropole. Et maintenant, en Algérie, 1940-1942. En Algérie, les tensions liées à la remise en cause de la hiérarchie coloniale par la politique de collaboration se posent de façon différente et les conséquences en termes de genre ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Jusqu'en 1942, les départs pour l'Allemagne semblent avoir été insignifiants. Le recrutement se faisant de façon officieuse, il laisse très peu de traces dans les archives consultées. Par contre, à partir du 22 juin 1942, l'opposition au départ des indigènes pour l'Allemagne ne cesse de grandir. Donc le 22 juin 1942, c'est la date d'un discours important, un discours du président Lavalle qui appelle au départ pour l'Allemagne et qui est retransmis en Algérie. Donc suite à la retransmission de ce discours, des centaines de travailleurs vont se faire inscrire chaque jour sur les listes de candidats au départ pour l'Allemagne. Leur nombre va croissant au cours du mois de juin, puis de juillet. Le 22 juillet 1942, donc un mois après cet appel, un rapport de la police spéciale d'Oran évalue à 25 000 le nombre de demandes enregistrées pour l'Algérie. On a d'autres nombres qui sont encore plus impressionnants, mais je privilégie cette source. Voilà. Les sources soulignent qu'il s'agit pour l'immense majorité de travailleurs indigènes et parmi eux de travailleurs de l'agriculture. L'analyse des archives de la préfecture d'Oran permet d'aller plus loin dans la description des candidats au travail volontaire. On dispose en effet d'une liste nominative de 1500 candidats environ, liste adressée par le préfet au gouverneur. Alors, les candidats pour l'Allemagne de cette liste sont à 90% des musulmans. Il s'agit pour la plupart de travailleurs non qualifiés, et on va voir le rôle que ça joue par la suite. Les quelques ouvriers qualifiés des métaux sont des Européens, et on n'a aucun nom de femme, ni européenne, ni musulmane. Voilà, 1500 sur les 25 000 potentiels. La perspective du départ des travailleurs indigènes suscite très vite des protestations des colons. Sous-préfets et préfets reçoivent des lettres qui ont été conservées et qui leur demandent de limiter les départs des travailleurs indigènes. Les objections, assez semblables finalement à celles qu'on trouve en métropole, sont à la fois d'ordre économique et politique. Elles concernent la crainte de la diminution de la main-d'œuvre, la crainte de la hausse des salaires et le souci la peur de perdre la loyauté des indigènes à l'égard de la France. Ces objections concernent toujours les travailleurs indigènes et c'est uniquement leur départ qui pose problème. Et il est peut-être intéressant de souligner que cette opposition ne passe pas par une ligne entre, mettons, collaborateurs et opposants à l'Allemagne, mais qu'on a bien des colons engagés dans la collaboration, par exemple, qui s'opposent au départ des Algériens. Donc la ligne passe plutôt entre des colons préoccupés par le contrôle de la main-d'œuvre et des indigènes qui veulent partir en Allemagne. Finalement, le 22 juillet 1942, le gouverneur décide, malgré les protestations des indigènes candidats au départ, de limiter les inscriptions pour l'Allemagne aux travailleurs qualifiés des métaux. À la différence de ce qui est possible en métropole, les départs d'Algérie pour l'Allemagne sont donc réservés à ce qu'on appelle les spécialistes. Comme nous l'avons vu, cette décision a été prise pour maintenir l'ordre colonial dans un débat où le genre ne semble jamais être un enjeu du débat puisque les travailleurs sont toujours évoqués au masculin. Pourtant, j'aimerais montrer que cette décision implique aussi des conséquences en termes de genre. En Algérie, les spécialistes sont principalement des hommes européens. Il y a aussi, dans une moindre proportion, des hommes indigènes spécialistes. Les femmes européennes, comme les femmes musulmanes, sont a priori exclues des spécialités des métaux. Et là, je m'appuierai par exemple sur le travail de Claudine Guillard, qui étudie la question de l'emploi. Donc, cette mesure, prise pour des raisons tenant à l'ordre colonial, exclut donc de fait les femmes du recrutement pour l'Allemagne. Alors, si on étudie encore, là encore des listes, donc on passe du niveau des politiques à des cas concrets, on peut observer les conséquences réelles de ces politiques. Donc, j'ai étudié les listes conservées à Marseille, des départs d'Algérie pour l'Allemagne, donc ce sont des listes de départ par bateau, Marseille, puis l'Allemagne. Les conséquences en termes de genre sont en fait plus complexes que ce qu'une simple analyse de la politique permettrait de penser. Les départs ont lieu dans un laps de temps assez court, environ un mois jusqu'au 8 novembre 1942, hein, date à laquelle l'Algérie passe du côté des Alliés. Et l'ensemble des départs d'Algérie ne concerne finalement que quelques centaines de personnes, bien loin donc des 25 000 personnes candidates au départ. Il s'agit en majorité d'Européens. L'objectif de la mesure est donc atteint, puisque les départs sont très limités et concernent très peu d'indigènes. Il ne concerne pas de femmes musulmanes, comme l'analyse de la loi permettrait de le penser. Pourtant, on voit dans les listes de départ apparaître les noms de quelques femmes européennes. Donc, en opposition à ce que la loi prévoyait. Les mentions retrouvées sur leur contrat, donc j'ai consulté leur contrat à Caen, révèlent qu'il ne s'agit pas de femmes spécialistes, mais de simples manœuvres. Ainsi, la règle limitée pour forger le départ des indigènes n'a eu des applications que sur ce groupe, limitant le départ des hommes et empêchant celui des femmes, mais les applications en termes de genre sont différentes pour les colonisés et pour les colons. En conclusion, j'aimerais faire quelques remarques. D'une part, j'aimerais souligner l'importance d'avoir recours à des archives individuelles ou au moins des archives nominatives quand on s'intéresse à la question du genre, puisque les conséquences en termes de genre d'un débat dans lequel les femmes ne sont jamais évoquées ne peuvent être évaluées que par la consultation des sources à l'échelle des individus. Plus largement, il me semble que cette étude contribue à montrer la complexité de l'articulation entre genre et race, puisque une politique élaborée pour maintenir la hiérarchie entre colons et colonisés a des implications en termes de genre, mais finalement pas les mêmes selon la place des femmes dans la hiérarchie coloniale. Enfin, et ça concerne plus largement mon projet de thèse, j'aimerais avancer l'idée que cette histoire nous invite à remettre en question les catégories dominantes de l'historiographie de l'occupation allemande. En effet, l'opposition résistance-collaboration n'est pas ici assez riche pour rendre compte de la multiplicité des rapports de pouvoir dans lesquels s'inscrivent les décisions de l'administration, des colons ou des colonisés face à l'occupant. Cela révèle un point aveugle de l'historiographie qui part pour analyser le rapport avec l'occupant, de l'évidence de la loyauté nationale, sans analyser ce que cette notion peut avoir de problématique pour les groupes dominés à l'intérieur de la nation, comme ici les colonisés. Je vous remercie.